Dites à mes amis que je m'en vais, je pars vers de nouveaux pays où le ciel est tout bleu. Dites que je m'en vais et c'est tout ce qui compte dans ma vie. Dites à mes amis que je m'en vais et j'aime chacun des pas que je fais. Le soleil de sourire, car il n'y a rien de mieux que de se revoir, peu importe ce qui nous sépare. Vous ne pourrez que sourire de nos histoires. Oh, ça me fait chaud au cœur. Alors dites-le que je m'en vais, je pars vers de nouveaux amis. Je suis